Tuyagurukundo Tuyagurukundo Tuyagurukundo Tuyagurukundo ni ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'urukundo mugishikirizwa na Radio Isanganiro. Tuyagurukundo Reka nongere kubaha ikaze nshuti bagenzi namwe bakunzi ibiganiro vya Radio Isanganiro na cane cane mwebwe bakunzi batuyage urukundo ikiganiro mwama mukurikirana ku misi nk'inkamango tuyage urukundo mugitunganirizwa nanje Balene Vyarimana mugashikirizwa na Radio Isanganiro ariko sanganura nyitakati uranyohera byukuri be ikiganiro tuyage urukundo kabakigizwe n'ibice bitatu. Mu gice cya mbere tubaganira ku bibazo vyerekeye urukundo, mu gice cya kabiri turishura ku bibazo canke ku ntererano mwaduhaye, mu gice cya nyuma cha hariwe agahugu k'urukundo tukabasigurira ururirimbo ruvuga vyerekeye urukundo. Tuyagurukundo uno munsi mu gice cya mbere turabira hamwe amategeko abakobwa kuye kugendera ko mu rukundo rwabo. Turishura ku bibazo mwatwandikiye nayo mugahugo k'urukundo tukabasigurira ururirimbo I love you daddy. Balene Vyarimana nkabanonge kubaha ikatsi. Elle a de ses lumières au fond des yeux qui rendent aveugle au amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ses manières de ne rien dire qui parle au bout des souvenirs, cette manière de traverser. Quand elle s'en va chez le boucher, quand elle arrive à ma hauteur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi, je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a ses longues mains de dentelière. À damner l'âme d'un vermeur, cette silhouette vénitienne, quand elle se penche à ses persiennes, ce geste je le sais par cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. L'amour pour elle est sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Et moi je suis tombé en esclavage ravages de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Mu buzima tubayemo bwa buri munsi bisaba ko umuntu agira umurongo ngendegwa ko iyo ashaka kugira ahava nahagera si tegeko ko buri wese ahuza n'undi hari amategeko akwiye kuranga abakobwa kugira ngo ubuzima barimo nubwo muri kazoza burushirize ko kuba bwitsa aya namwe mu mategeko buri mukobwa wese akiri inkumi akwiriye gukurikiza mu buzima bwiwe bwa buri munsi aha rero tugashimikira ku rukundo ubwa mbere ntiwihutire kurondera umugabo kurongorwa ukava mu nzu ya so na nyoko ni indoto za buri mukobwa ahava akagera ariko kurongorwa siko kubaka urugo rugakomera kuvyitondera no kudahuruduka n'ingirakamaro cyane nturabe ku bandi kuko ingendo y'uyundi iravuna yacokoreshwa n'inguvu z'abantu wihutire kurondera umugabo kuko siwe wazokubakira kurondera umugabo ugashinga urwawe ntawe bitanezera ariko kurushinga rugakomera bikaba byiza kurusha nta kikwirukana kandi ngo yihuse yavyaye ibihumye nimba utararonka umugabo nuko igihe kitaragera kandi byanse bikunze w'Imana yakugeneye arahari azoboneka ubwira kabiri ntukihende ko amabanga yabubatse ari kimenyetso cy'urukundo mu mitego myinshi abakobwa bakunda guhura nayo uyu uza mu ya mbere kumva ko kujyamana n'umusore ari kimenyetso cyiza cyo kumugaragariza urukundo no kwihenda cyane ni bangahe bajyamana mu nyuma bagatandukana naho mu byamana ntimureka gutandukana mbe hoho ukundanye n'umusore muzokwama mujyamana ngo ukunde umwereke ko umukunda ntavyo nibatse nuko rero kubera kenshi usanga abasore n'inkumi bakunda kwihenda cyane ngo kujyamana ngo nivyo bikomeze urukundo siko rero ntiwihende ko kujyamana si kimenyetso cy'urukundo ahubwo hari igihe bikuzanira bikakubera inkwetsi y'amarere itegeko rigira gatatu nturindire yuko ingorane zawe zitorerwa umuti n'uwo musore iyi nayo ni ingeso abakobwa bamwe bamwe bakunda kugira mu rukundo ugasanga ingorane ziwe zose agomba yuko zitoregwa umuti n'umusore w'umugenzi wiwe akenye agize nte vyose agomba kubita kuri uwo musore iyo bimeze gutyo uretse no kuba umubera umutwaro canke intambanye ahubwo kumubera umukunzi iyo bimeze gutyo usanga umubereye umutwaro aho kumubera umukunzi agaciro yaguha karagabanuka ndetse akagera naho akwinuba rondera akazi canke icukora kikwinjiriza bizotuma akubaha kurusha ntiwame uteze ku amaboko kuri we j'ai compris tous les mots j'ai bien compris merci raisonnable et nouveau c'est ainsi par ici Les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appelasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents. D'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Thank you. moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter. Ikiganiro nituyage urukundo turi mu gice cya mbere tuba turabira hamwe amategeko abakobwa bakwiriye kugendera ko mu rukundo rwabo. Itegeko rigira kane, ntuzokubakane n'umusore urusha uburyo, kuvuga umurusha amafaranga cyangwa ubutunzi. Abakobwa benshi bakunda kwitiranya amafaranga cyangwa ubutunzi no kugira umunezero mu rugo, baba bagiye kubaka. Amahera si mabi, ariko si nayo shingiro ry'umunezero w'umuryango. Iyo umusore aguteretesheje amafaranga cyangwa ubutunzi mugasezerana mukabana, akenshi iyo umugeze mu rugo agufata nka kimwe mu bintu atunze yaguze. Uzi igituma? Ni uko uwamukunze aricyo ukurikiye kurusha urukundo wari umufitiye, kandi nawe yarabibona simpumyi. Ni byiza gushingira ku rukundo aho gukwegwa n'ibintu. Itegeko rigira gatanu, ntukanywe ibiboretse. Abakobwa benshi muri iki gihe basigaye banywa ibiboretse, kuko umugabo aborewe siko umukobwa aboregwa. Umukobwa yaborewe aragayika cyane. Umukobwa atanguye kurara mu tubare aba yatanguye kuba nabi cyane. Iyo ageze mu rwiwe biramugora, ndetse n'indero y'abana biwe ikamunanira. Ni byiza ko reka kunywa inzoga. Uretse no kukugayisha, inzoga zifite ingaruka nyinshi mbi ku magara y'abantu. Bizokugora kuronka umusore mukundana yiyubashe mu gihe wahindutse imboregwa ukamugenzi wa manyinya. Kuronka umugabo ameze neza mu bana mukarushinga rugakomera bizorushirizaho gukomera, kuko atamusore yupfa kwisuka ku mukobwa amurusha kunywa ibiboreza. Itegeko rigira gatandatu, ntukambare impuzu zidakwiye. Uwambaye neza aboneka neza. Kwambara neza no kuyitaho biba muri kamere y'abagore muri rusange. Kwambara neza no kwambara imyambaro itagutesha agaciro mu bandi. Iyo wambaye neza, buri muntu wese araguha agaciro ukwiriye. Zerekana ko kwambara impuzu zerekana ubwambure bwawe, zitanga ubutumwa bakubona kandi utari bwiza. Niwagenda werekana ubwambure bwawe, umusore azokwitaho gute kandi vyose wabimweretse? Ahubwo azokoresha ingufu ziwe zose bihere agusambanije aho gushishikara gushishikarira kukugira umugore kwambara neza su kwambara ibintu bizimvye ahubwo no kugirira isuku inyambaro yawe kumenya kujanisha amabara kwambara ibikubera atari vyo wiganye bagenzi bawe kandi bitagendanye n'imico n'imigenzo yawe itegeko rigira indwi ite kumfungurwa zawe abakobwa n'abagore bakunda ibiribwa n'ibinyobwa biryoshye harimo amasukari menshi si byiza rero ku magara y'umuntu naho mu gihe uriko urabifungura wumva bifise uburyohe n'akanovera ni nako bigira ingaruka mbi ku magara yawe uba uriko urikwegera indwara ya diabete cyangwa isukari ukwiye gutangura gukora imyimenyerezo ngororamubiri ko ifise akamaro kanini harimo no kugabanya isukari mubiri kuyaza ibinure mu rwego rwo kwirinda ubuvyibuhe niyo mategeko nkumi ukwiye kugendera ko mu rukundo rwawe mukanya tuzadutandukira ku gice cya kabiri aho twishura ku bibazo mwatwandikiye aho mwandika kuri 75 cyangwa 76 933 135. Ikiganiro nituyaga urukundo kuri radio Isanganiro. Ni mushikirije ibibazo byanyu. Ikibazo cha mbere tibite balene nakunze umurondo aheze imyaka 2 ndabimubwiye nishimye mu nyuma cankunda mugenzi uyu mugabo sindabimubwira ndamwandikiye message acereka umwe wa kera kuko ntazi kahise kacu hamu wa kera gaca shavura ngirente azohava ambera intambanye nibaza yuko atazokubera intambanye ahubwo wewe komeza mukundane n'uyu wundi ko kurumva wowe wari waramuhaye umwanya mugabo ntiyawukorera ko fise umukunzi maranye igihe gito narabuze kado numuha agashimwe ariko ndamukunda nta mayira mfise nokuri kugira ngo abone ko ndamukunda impano canke ikado si ibintu bisaba amahera menshi canke ibindi n'utuntu duto duto kandi twanabivuze mu biganiro byacu yuko buriya kwereka umukunzi wawe simpa kumuzanira ibintu bigwa amamiliyoni oya akantu gato gato akabombo n'ibiki utona to nyene turamunezera narije akaba kavuye kuwakunda Power Balene ndiye Eric Gitega mfise umukobwa dukundanye agomba ngo tubonane rimwe mu kwezi ndamubajije ngo nta mwanya ufise jewe nibaza ko amenda none ndamuhebe canke mfate iki ijoro ryiza urakoze cyane uyo agomba kumubonana rimwe mu kwezi mbe yakora iki ari ibikorwa bafise canke usanga mugani wawe makenga ufise usanga agomba kuguhindurira we rero ugenda bukebuke hanyuma muvugane umubaze igituma nimba atafise umwanya nawe no cyangwa usanga ivyo gukundana atavyo yiyumvamo. Salut ndi Ada twakundanye n'umuhungu arambeba nazi ico dupfuye tuzakundana n'undi nuwe twarahebanye n'uhaguma haza abandi je nguma nibaza ko imisi iyo gukundana nayo wanje itaragera ndabihe cyane oya so kuvuga ngo imisi itarahera nturaronka bose urumva baraza mugabo umutima wawe cyane nabo nyene ni murawunza uwawe ntaraboneka bite muhanuzi wacu de Jean Paul Mugamba dukundanye n'umukobwa imyaka 6 kandi turizerana none igihe kibaye kinini urukundo ntiruzohava rutituka oya ahubwo mubandanye mu rukomeza urukundo ntiruzotituka bite muhanuzi ni Fabrice from Muyaga nkundo murundo mugabo we yambwiye ngo ndindira zomenyesha umugabo turi kumwe agomba kubinyereka ndindire canke ndabiye uramukunda nimba umukunda nibaze ko urindira kumva umunsi yaguhaye nyisho ndedezere fise mukobwa guma afona kandi nanje nubatse kandi narayimubwiye none nkoreke uyo onye mukore no muri repertoire ntazosubira no kumwitaba ntuzosubira kumwitaba kuko uyo onye nta ciza je kurondera urumva usanzwe wubatse mbe akurondera ku ikindi bikogwa ndakundanye n'umukobwa imyaka 5 umunsi umwe ambwira ngo mpige undi ngo ntituzobana ariko hanyuma ambwira ngo tumaranye amezi 3 yohera tukagumana aha uyo rero nibaza yuko ata mwanya wawe uri mu mutima wiwe nkuko yakubwiye rero nareke gutesha umwanya n'ibirondera undi nagomba ndabaze yuko kwitaba telefone uri kumwe n'umusheri n'ibindi Belize nibaza ko atari bibi Belize ari telefone mu mutima ndenge nitabi ki telefone mbe nibaza ko atakibazo tuyagurukundo ndi giharo hari umukobwa twakundana tukiri kwishura ariko nasanze afite undi ngiza matohoza tutari kwishuri nta SMS yandukira cyangwa vyihoza ubu aguma ambipa cyangwa kandi sindamubaza umpano w'ikinimba afise ubundi urumva rero inkoba zibiri ntizisangira igicu na kamare ko mubandanye Dedezire Inzove muri komine Mutaho ndafise uwo nkunze ariko hari umukobwa aguma ashaka ndamukunde kandi azi ko mfise ubundi nawe akaba yarakuwe n'undi uyo rero nta kamaro uyo mva yarakowe akorondera kuyikeka wigumana n'uwundi ni Aline Murutana afise nkunda ariko abagenzi banje bashaka kumuntwara baguma mufona ngacambwira none nzofatira iki komeza umufate nkama kuko nahandi ho umva ko abagenzi bashaka kumugutwara biteye nkunda umuhungu bantabwira ko nkunda mvuga kuri fone yarambwira kwangunda nuno uva nkunda cyangwa arambije aragukunda aragiza kubwira nimba uri kubironeka atarakubwira ati shutenda gukunda ntugire kibazo cyo kubwira ndabahemerewe mwiriwe nakundanye n'umukobwa aheza imyaka ine yarambwiye ko atakinkunda afise wakunda ariko ubu aheruka kumbwira ko agarutse dukundane mufashe aya yakuru jewe nibaze ko mutubandanya nawe ukirondera ubundi bite balene je ofise umukobwa dukundanye namasavu mwanya ntawe umpambwira ngo ndindira zombarira aho zabafise umwanya none mu mpano y'ikindamo abiri mu amahenyo uyu rero nta kamaro nibaze ko naho shaka mukavana bite ni patient njyewe ndafise umukobwa ankunda ariko nanjye sindamukunda none narabuze nkinda yimubwira patient urajya umuti bamenye umubwira mutabwo nombwe tiba jewe ndabona ko jewe nawe bidakunda bye ufise umutipe twaradukundana ariko ubu twarahebanye afise undi kandi nanjye bumfise undi ariko aguma anyandikira ambwira ko kinkunda oya uyu onye ni kukubesha ko ufise undi nawe ukaba ufise undi nta kamaro wibandaniza umugendo rwawe nabandanye urundi ndidi mukayanza twakundanye n'umukobwa hama baca bamunterera ko inda mugabo twarasubiye gukundana mumenya yo bankunda ha ya ubu ntibazova mu gutera kuyindi nda ha muhungu uraraba netse salut bitch uko bien ndi Celestin Mugagara mukunzi watuyage urukundo ndagushimira kumanura uduha nagomba uzonsigure ururimbo my number one turimbirwa na Julio Iglesias urakoze cyane akaririmbo tuzoka gusigurira nuko rero niyo turangirije ibibazo mwatwandikiye ibibazo mushobora kwandika kuri 75 cyangwa 76 93 135 mukanya na gahugu k'urukundo tubasigura ururimbo I love you daddy ikiganiro ni tuyaga urukundo ku radio Isanganiro agahogo k'urukundo kuri radio Isanganiro data urazi ngene ndagukunda nzokwama ndagukeneye nzokuguma iruhande yawe data data nama ndakuni nahatsa mugabo ntabwo mpagarika kugerageza kubi nimero yawe ya mbere urantegera uranyigisha ingene senga ugakina inkino nkunda gukina sinigera ngira ubwoba mu gihe uri iruhande yanje ukanzimurura mu mwiza ndagukunda data uri incungu yanje kandi wama mu ndoto zanje ndagukunda data data uri ntagereranywa kuri jewe data urazi ngine ndagukunda ndakeneye yuko umfasha ndagusavye unyereke inzira data data hari igihe nigenza nabi mugabo nguma ngerageza kuba nimero ya mbere yawe ngoma ndakwereke nzokomera nkawe ninakura nzokwitaho ntugire ikibazo rero ndabikwijeje nzoguma ndo muhungu wa data ndagukunda data uri nchungu yanje wa makandi mundoto zanje ndagukunda data oh data kuri je uri ntagereranyo ndagukunda data oh ndagukunda ndagukunda ndagukunda uri nchungu yanje wa makandi uri mu ndoto zanje ndagukunda data oh data uri nagereranywa kuri jeho umwe mu miliyoni umuriyoni muri umwe nzoguma ndi kumwe nawe uri miliyoni unyereka inzira unyereka inzira mu mwijima ndagukunda data uri nchungu yanje wa makandi mu ndoto zanje ndagukunda data oh data uri nagereranywa kuri jewe ndagukunda data ndagukunda kunda ndagukunda uri nchungu yanje wa makandi mu ndoto zanje ndagukunda data oh data kuri jewe uri ntagereranywa kuri jewe uri ntagereranywa ndagukunda data yego ndagukunda yego ndagukunda uri nchungu yanje wa makandi mu ndoto zanje ndagukunda data oh data uri ntagereranywa kuri je uri ntagereranywa kuri je ndagukunda data nyereka inzira nyereka inzira ni kuri iyo nsigura I love you daddy ariho nsoze kino kiganiro chachu reka ndabakengurukire mwe mwakurikirana kino kiganiro ndabahirinda isango ku munsi nk'uyu nkaho twatanguriye mugira ibihe byiza naho butaha cyari kiganiro tuyaga urukundo mushikirizwa na radio isanganiro.